conscience. Ils puissent contenter de ce qu'on leur tend. Ça se compte en seconde, le déclin de la page 24. Les hommes n'ont plus de conscience, donc plus de bon sens. C'est de l'abus, pourtant j'ai un bégal pour la page 25. Bienvenue, page 24 de mon récit. Un peuple qui crie famine avec en face une créature. T'as pas envie de sauter à la ligne. Deux mondes se côtoient sans jamais se mélanger. Des lettres noires unies à des branches feuilles de papier glacé. C'est ce mélange qui prime, lit entre les lignes. À 24, le stylo ne fait pas bonne mine. À force de forcer du clair au fond, c'est le faux, c'est creusé. Je sais que de parler du choc des photos, ça fait cliché. Mais la belle Europe est souriante et sexy. Elle est blanche et pure et chez ses voisins, ça s'excite. Faut que j'épouse la cause de la page 24. Mais à 25, je préfère causer à l'épouse qui se donne en spectacle. Beaucoup de choses tiennent sur ces feuilles de papier. Sauf qu'à la place des pages, c'est des filles qui sont froissées, marque-pages. Que des fois t'aurais oublié la reliure comme un barrage. Impossible à passer. Page 25, le string c'est la ficelle du métier. Page 24, c'est le sort de tout un peuple qui est ficelé. Des deux côtés de la marge, on est peu vêtus. Mais pas pour les mêmes raisons. Bomber son torse ou montrer son cul. Avec le recul, des colonnes de faits se bousculent. La misère et le sexe ont toujours été à la une. À la tienne, si tu kiffes la 25. Mais pour le 24, je suis peiné de pas avoir trouvé de vaccin. 25, c'est une mineure vaccinée. 24, ce sont des mineurs intoxiqués. Les différences sont là sur des bouts de papier. Les mêmes qu'échappent aux lois et les mêmes qu'aux papiers. Les hommes n'ont plus de conscience. Content de ce qu'on leur tend, ça se compte en seconde. Le déclin de la page 24. Les hommes n'ont plus de conscience, donc plus de bon sens. C'est de l'abus, pourtant j'ai un bégal pour la page 25. Les hommes n'ont plus de conscience. Content de ce qu'on leur tend, ça se compte en seconde. Le déclin de la page 24. Ah, c'est quoi le business de l'homme pour que l'on consomme? Violence et press people, d'autres la somme et d'autres qui gueulent. Ah, c'est que l'Afrique perd, gagne les pages d'un monotone récit qui cohabite avec une paire de fesses dans un string. Je lis la misère des croches, m'allège de fantasmes, la piste est proche. Près des vantards, on vit une crise des potes. J'en chope la migraine, air crash, le goût amer d'un journal. Aux mises en page qui me rappellent le job d'un croque-mort. Ah, si je vaccine, je regarde à droite, ça me fascine. Ah, avec le temps, je tourne en rond, mais je ne tourne pas la page. Au fond, je trouve ça si facile. Ah, une pub au badge juste à côté d'un reportage qui démontre l'âme pourrie de l'espèce humaine. Cet énergumène qui joue de la haine par pur plaisir, qui se démonte pour un domaine, pour l'espèce humaine, qui chaque semaine se plante l'abdomen par pur désir de conquête. Tout sur les stars et la guerre au sommaire. Les faits divers proches des faits m'ont souvent assommé. Le contexte, lorsque les stars ne prennent jamais sommeil, avec ces fières petites mannequines toujours au sommet, ça parle pas. Puis c'est fait de base dans une bassine. Et puis mes vraies l'action, la réflexion de toute leur rédaction. Les mots sont salis dans leur magazine. Mais moi quand je les exploite, c'est toujours avec la même passion. Les hommes n'ont plus de conscience. Et puis se contentent de ce qu'on leur tend. Ça se compte en seconde, le déclin de la page 24. Les hommes n'ont plus de conscience, donc plus de bon sens. C'est de la vue, pourtant j'ai un bégal pour la page 25. Les hommes n'ont plus de conscience. Et puis se contentent de ce qu'on leur tend. Ça se compte en seconde, le déclin de la page 24. Les hommes n'ont plus de conscience, donc plus de bon sens. C'est de la vue, pourtant j'ai un bégal pour la page 25.